Si Bessette un jour devait mourir avant le temps, pour moi, ce serait une paix. Parce que je connais Bessette au-delà de Bessette. Ce serait une paix. Et je sais que ce serait une paix. Mais il y aurait des raisons pour la paix. Puis les raisons, je les connais. Puis je dis pas que Bessette va mourir avant le temps. Mais mon grand désir, c'est peut-être relié tout à l'amour occulte que j'ai pour l'art, fait que j'ai probablement le pouvoir de vie, l'extension de vie dans l'immortalité, dans le cas de son expérience, peut-être. Si la hiérarchie me l'accorde à moi en tant qu'initié. Et si la hiérarchie me l'accorde pas, je suis obligé de me plier aux directions de la hiérarchie parce que je fais partie de la hiérarchie. Quand tu es sur le plan matériel, tu suis ce qui doit être fait en perfection. Mais dans le contexte de la vie humaine, les années qu'on passe ensemble, j'aimerais ça que Bessette passe au bord. C'est une souffrance. Ça, c'est la souffrance de l'amour. Mais autant il y a la souffrance de l'amour, il y a la souffrance de la volonté, il y a la souffrance de l'intelligence. Avec vous autres, c'est toujours dans la souffrance de l'intelligence. Le plus souvent que je vis cette souffrance-là. Mais tu peux pas vivre dans la chair quand t'es mandaté, Melchisédek. Tu peux pas vivre dans la chair et être heureux. C'est impossible. C'est un contresens. Parce que la dimension même de notre être-té dans l'intellect, oui. On reste dans la chair pour s'entretenir avec les hommes tant que doit durer l'instruction. Mais comme on voit, vous n'avez pas d'imagination, combien on voit, on souffre. Quand je dis « suivez-moi pas », vous ne pouvez pas vous permettre de me suivre. Parce que mes vibrations, la puissance de ma conscience, le pouvoir de ma conscience est trop grand. Si vous me suivez, vous allez diminuer votre propre conscience. Vous pouvez aller où il va et me suivre. Dans le contexte psychologique de l'émotivité, du rapprochement entre un homme et un homme, vous devez détruire ça complètement. Sans ça, quand je vais cesser mes activités, vous allez sentir un vide maudit en vous autres, si vous me suivez. Parce qu'il n'y a pas un homme sans planète qui va me remplacer quand je vais avoir fini. Vous allez sentir un vide. Je vous prépare à ne pas sentir de vide. Bernard est là, il est là, il n'est plus là, il n'est pas là, il est toujours là, anyway. C'est pour ça que je prépare le monde à ne pas me suivre. Le désir est toujours lié à une émotion. Dans le désir, il y a toujours une émotion. Quelle que soit la grandeur du désir, le but du désir, la profondeur du désir, l'exigence positive du désir, il y a toujours une émotion. C'est l'émotion dans le désir que vous devez tuer. Pour qu'il n'y ait plus de désir. Pour que vous soyez là quand je suis là, puis c'est final. Puis quand vous soyez, que je ne sois pas là ou que je sois là, il n'y a pas de différence. Pour que vous autres, quand je ne serai pas là, vous continuiez à être en vous-même, à être pour vous-même, à être envers vous-même et à être parfaitement en harmonie avec vous-même. Puis continuez jusqu'à temps que se raccordent dans le monde entier, à l'échelle planétaire, les forces, le cimer. Sans ça, vous allez vivre des vies impossibles. Autant je donne à l'homme, autant je remplis l'homme, autant l'homme est vidé quand il est attaché à moi émotivement. Parler de drogue. Vous autres, vous ne le savez pas, vous ne savez pas le pouvoir de ma conscience. Moi, je le connais, le pouvoir de ma conscience. C'est pour ça que je dis, suivez-moi pas. Qu'on soit là ensemble, qu'on se parle ensemble, qu'on ait du fun ensemble, que je sois là, que je ne sois pas là, que vous ne me manquiez pas. Parce que si vous me manquez, quand je vais arrêter, là, vous allez me manquer. Puis automatiquement, si vous me manquez rendu à ce point-là, vous ne pourrez plus continuer on your own. Parce que vous n'aurez plus votre centricité. Vous n'aurez plus votre lien. Ça va être vos émotions qui vont vous brouiller, c'est tout. Ça va arrêter. L'homme de demain est totalement et absolument irréversible dans son mouvement. Ceux qui s'en vont vers l'éthérique ne peuvent pas. Ils n'ont pas besoin de s'inquiéter. Chaque homme est marqué. Les gens n'ont pas besoin de s'inquiéter. Les gens n'ont pas besoin de s'émotionner. Ma belle cravate, je te ferai chialer dessus. On prend un autre petit break. Les mots, pour moi, n'ont aucune signification. Ça, ça se comprend pas pour vous autres. Parce que vous donnez encore de la signification aux mots. Alors, tant que vous donnez de la signification aux mots, ben, je vous donne des mots pour signifier ce à quoi vous pouvez tendre au niveau significatif d'une façon de plus en plus précise pour ajuster votre émotif à votre mental. Mais tant que vous allez être là, c'est vibratoire. Moi, je m'en crisse comme dans l'an 40 d'être Melchizedek ou de ne pas être Melchizedek, d'être la réincarnation de Jean-Baptiste ou non. Je ne suis pas intéressé, moi, Jean-Baptiste. Puis je ne suis pas intéressé si j'ai été Jean-Baptiste. Je le sais si je l'ai été ou non. Mais je ne suis pas intéressé à la mémoire de l'expérience. Parce que ça fait partie du passé. Merci, vous dites. Ça sert à coaguler l'esprit de l'homme. Ça sert à instruire l'esprit de l'homme. Mais l'homme, une fois que l'homme est conscientisé, l'homme n'a plus besoin de ça. Fait que ça sert. Ah. Toi, ça sert une façon. Lui, ça sert une autre façon. Lui, il va aller à la maison, il va checker ses livres. Puis à ça. Il faisait pareil. Puis il y en a d'autres, ça n'aurait pas du fibre sur la tête. qu'ils font, c'est qu'ils engendrent dans leur monde une énergie. C'est-à-dire qu'ils font passer une énergie, ils vont puiser l'énergie dans le centre même de l'univers, et leur face de leur science, et ils transmutent cette science-là de surface d'une façon infinie pour corriger toutes les erreurs possibles qui résultent de l'imperfection de Dieu. Et à ce moment-là, lorsque ça s'est fait, là, la forme, elle commence son mouvement, puis elle descend, puis éventuellement, elle finit dans la matière. Puis là, à ce moment-là, tu as une forme. Si la forme, elle ne continue pas son mouvement, selon les lois génétiques, selon toutes les lois qui la supportent et les lois qui l'engendrent, éventuellement, la forme, elle disparaît. À ce moment-là, il y a eu un accident. Et l'accident provient du fait que Dieu n'est pas parfait. Si Dieu était parfait, les accidents n'existeraient pas. Mais si Dieu n'était parfait, l'évolution non plus n'existerait pas. Fait que quand les forces, quand tu reçois de l'information de l'astral qui disent que c'est un accident, c'est parce qu'eux autres ne comprennent pas les lois de l'accident. Ils ne comprennent pas les lois du parcours de l'échange de l'énergie dans l'enceinte du feu qui est au centre même de l'univers. Ils ne connaissent pas parce qu'ils manquent d'expérience. Alors, tu es obligé de t'adresser à des êtres qui ont une très haute expérience pour avoir une réponse de très haute expérience. Autrement dit, plus tu as contact avec des ajusteurs de pensée de haute évolution, plus tu as réponse à une plus haute normalité, à une plus haute perfection. De sorte que tu détruis ce qui est plus bas. C'est ça le pouvoir de l'intelligence. C'est ça que les êtres descendants possèdent par fusion. Qu'est-ce que ça donne la fusion? La fusion, ça permet à un être, sur un plan matériel, d'aller puiser dans l'expérience la plus haute possible pour cet être-là, pour descendre sur le plan matériel un niveau d'intelligence et d'information capable de réduire ou d'éliminer ce qui peut faire interférence à l'évolution de l'intelligence sur le plan matériel. Mais à ce moment-là, tu es obligé d'aller puiser dans l'intelligence pour défaire ce qui peut faire interférence à cette intelligence-là si tu es en contact avec l'astral. C'est pour ça que tous les gens qui sont en contact avec l'astral, à quelque niveau que ce soit, même avec les meilleures intentions au monde, même s'ils sont en contact avec des hautes émanations spirituelles, ne peuvent jamais savoir parce qu'ils sont dans la connaissance. Pour savoir, il ne faut pas être dans la connaissance. Puis pour ne pas être dans la connaissance, il faut être totalement impersonnel. Parce que quand tu es impersonnel, autrement dit, quand tu es fusionné, tu es impersonnel, et c'est le fait que tu es impersonnel qui te permet de savoir. Parce qu'aussitôt que tu es personnel dans la connaissance, même si tu es dans l'invisible, même si tu es dans les hautes émanations astrales, dans les hauts mondes spirituels, tu es dans la connaissance. La preuve, c'est qu'aussitôt qu'ils ont besoin d'informations, ils sont obligés d'aller dans les archives. Un être qui a besoin d'informations, un être qui est cosmique, n'a pas besoin d'aller dans les archives. Il est archive. L'intelligence, plus tu es intelligent, plus tu détruis des formes. C'est hors forme. Oui. D'accord. C'est ça l'intelligence. Qu'est-ce que c'est la fonction de l'intelligence? C'est de détruire les formes de la connaissance. Oh, ça c'est ça. C'est exactement ça. La fonction de l'intelligence, c'est de détruire les formes de la connaissance. Puis, regarde bien la vibration de ça, là. Puis tu vois que c'est ça. La fonction de l'intelligence, c'est de détruire les formes de la connaissance. C'est là que ça fusionne avec la volonté. L'amour, exactement. C'est la même énergie. C'est la même énergie. C'est ça la fonction de l'intelligence, c'est de détruire les formes de la connaissance. Détruire l'intelligence, c'est quoi? Détruire les formes de la connaissance. Parce que moi, l'intermédiaire entre les deux, continuellement. Il n'a pas. C'est ça. Il n'a pas. Seulement, si tu penses, tu es capable. Si tu ne penses pas, là, tu peux le faire. C'est ça. Pourquoi est-ce que le mensonge cosmique existe? Parce que les hommes pensent. Si les hommes ne pensaient pas, le mensonge cosmique n'existera pas. Exactement. Moi, des fois, je vais vous parler et je dis, ah, c'est intéressant ça. C'est comme si mon esprit saisit la vibration quand elle descend. Fait que moi aussi, je participe à l'intelligence. Comme vous autres, vous participez à l'intelligence, moi, je participe à l'intelligence. Automatiquement. Aussitôt que ça détruit une forme, je dis c'est intéressant ça. Aussitôt que ça détruit une forme, je dis c'est intéressant. Quand je dis c'est intéressant, ça, c'est parce que ça vient de détruire une forme. Je viens de la voir, la forme. Ça vient de la détruire. Mais pour pouvoir la détruire, il faut que tu sois en dehors de la forme. Autrement dit, il faut que tu n'aies aucune allégeance à la forme. Il faut qu'il n'y ait aucun lien émotif à la forme. Autrement dit, il faut que tu sois totalement libre du monde astral. C'est vrai? Totalement? Il ne faut pas dépendre sur ce que tu es installé. Non. Non. Il faut que tu aies rien en dessous. Rien. Voilà. C'est incroyable parce qu'on en forme continuellement des formes dans notre astralité, nous autres. C'est pas point qu'on en forme continuellement. Il y en a une infinité. Puis ça constitue la connaissance de l'âme. C'est pour ça que je dis des fois, la connaissance, c'est une illusion. Puis la fonction d'intelligence, c'est de détruire la force. Pour qu'on soit dans l'intelligence. Moi, c'est pour ça que j'aime ça m'écouter parler. Parce que je trouve ça intéressant. Parce que je suis dans l'intelligence. L'intelligence, ça passe en moi, pour détruire des formes, pour détruire les formes. Fait que moi, qu'est-ce qui se produit avec moi? Qui se présente avec moi. Il dit j'ai du fun. Ouais, c'est ça qui fait que c'est plaisant. Parce que je suis pas prisonnier. C'est ça être libre. C'est ça qui balance la souffrance. C'est ça qui balance la souffrance. Exactement. Maintenant, quand tu parles des accidents par contre, moi, je comprends pas trop la notion d'accident. Il semble qu'il n'y a rien qui arrive premier. Si ça arrive, ça doit arriver, c'est pas mais c'est ça, je te l'ai expliqué tout à l'heure. Mais si tu communiques avec des intelligences dans le monde astral, ils vont te parler d'accident. Même la notion de libre-arbitre n'est pas du tout... Les autres, ils disent, bon, le libre-arbitre, là, ben, c'est juste quelque chose, quelques événements majeurs qui arrivent dans une année, par exemple. Ils vont t'arriver, ils savent... Pour eux, le libre-arbitre, c'est qu'il t'arrive, par exemple, un accident à telle date, il va t'arriver ça, ça, ça. Dis dans une journée, tout n'est pas ciselé, puis coordonné, chronométré, puis ajusté, puis tout imbriqué avec la vie des autres, puis la vibration. Pourtant, toutes les. Parce que tout est sous. Sais-tu qu'est-ce que c'est le problème de la connaissance? Le problème du monde astral, le problème des esprits dans le monde astral? C'est que les esprits qui sont dans le monde astral sont prisonniers du temps. Fait qu'automatiquement, ils sont obligés, pour comprendre quelque chose, de se référer à la mémoire du temps. Puis quand ils se réfèrent à la mémoire du temps, ils sont obligés d'appliquer les lois du temps. Parce que c'est les lois de leur monde. Fait qu'en appliquant les lois du temps, ça leur permet à eux autres de découvrir les modalités de ces lois-là. Automatiquement, ça leur permet de découvrir les probabilités de ton existence, ce qui les amène à découvrir ton futur, et ainsi de suite. Tandis que dans la lumière, c'est pas de même. La lumière, je vais vous expliquer ce que c'est. La lumière, dans le sens que je l'emploie, c'est la lumière, c'est le mouvement absolu de l'atome. La lumière, c'est le mouvement absolu de l'atome dans tous les plans. Si tu me demandais, là, qu'est-ce que c'est la lumière? Qu'est-ce que c'est de la lumière? C'est le mouvement absolu de l'atome dans le cosmos, sous n'importe quel plan. Ah, il y a des atomes qui sont plus rapides que d'autres dans leur mouvement. De sorte que la lumière n'a pas la même rapidité. De sorte qu'il y a dans le cosmos des atomes qui sont plus rapides que d'autres. Il y a des atomes dans le cosmos dont la rapidité est presque instantanée. Les atomes dont la rapidité est presque instantanée, on les appelle les Michaëls. Les atomes dont la rapidité est presque instantanée, on les appelle les nickels. Puis s'il y en a un dans vous autres, ceux qui ont des télévisions, là. Regarde bien ça, Fernand. Je vais te l'expliquer, le Michael, dans mon langage à moi. Je vais te l'expliquer pour que tu comprennes la relation entre la nature même de l'atome, pas l'atome physique des scientifiques, mais entre la nature même de l'atome et la prépersonnalité de la volonté de l'amour des intelligents. Regarde bien ça. Très chinique. Drepie Varishna Pojeknie Décris-nous ce que tu vois, toi. Comment tu vois? Regarde dans la lumière. Allez. Tu vois ça derrière? Pour te montrer, pour te faire comprendre une chose que tu cherches à comprendre depuis longtemps. Tu sais, quand je dis que la parole, c'est un pouvoir, que quand tu es fusionné, le moindre mot est une impression. Le moindre mot. Regarde bien, là. Je vais envoyer une parole très simple. Presque un son. Ça va te faire comprendre une impression. Yeshti, yeshti, yeshti, yeshti, yeshti. Voilà tout ce que je veux dire. C'est seulement du mouvement. C'est seulement du mouvement. C'est seulement du mouvement. C'est très rapide, c'est seulement du mouvement, puis il n'y a pas d'autre chose que du mouvement. Exactement. Exactement. C'est seulement du mouvement. C'est seulement du mouvement. Puis sais-tu qu'est-ce qui arrive dans l'évolution, C'est que le mouvement a été arrêté par l'astral. Puis quand le mouvement est arrêté par l'astral, il y a des formes de créer. Et ces formes dans l'astral sont suffisamment denses pour empêcher que le mouvement descende dans l'homme et que l'homme poursuive son exécution de la création. L'homme n'est pas capable de créer, l'astral le coupe. C'est un nuage. Exactement. Exactement. Exactement. Est-ce qu'on dit qu'il est arrêté ou qu'il est ralenti? Les atomes ont dû être dans l'instantané du mouvement. Moi, il est plus en plus finale, de plus en plus finale à la mesure qu'on est distant. C'est un bloc. Ça fait une forme qui bloque le mouvement. C'est ça. Ça bloque l'énergie. C'est complètement noir. Ouais. Ouais. Ouais. Il ne peut plus y avoir de lumière. Non, il ne peut plus l'avoir. Non. Puis nous autres, quand on médiumnise ou quand on communique avec l'astral par un moyen ou l'autre, on communique dans ce nuage-là. C'est pour ça qu'on n'a pas d'intelligence. On a de la connaissance, mais on n'a pas d'intelligence. On n'a pas la volonté suffisante pour tout créer. Non. Faut sortir totalement C'est pour ça que je dis, l'homme doit un jour ne plus vivre d'émotion. Parce que c'est l'émotion qui maintient ça en vie. Parce que votre corps n'est pas capable de l'absorber sans souffrir. Dans ta phrase, ce que tu as demandé, le sentier d'explosion ou expansion. Tout est mouvement. Tout. C'est de la vie, c'est une vie. Le mouvement, c'est tout. C'est comme une aurore boréale de plus loin, là. C'est comme une aurore boréale qui est beaucoup en mouvement, là, mais multipliée par. Comme une aurore boréale, qui est multipliée à une vitesse énorme, qui parcourt, qui est presque instantanée depuis le mois. À chaque instant, il peut être n'importe où. Et il est parfois la fois. Puis on n'a pas accès à cette énergie. Il faut qu'on ait accès à cette énergie. Donc, quand un être reçoit une vibration, il y a une chose que tu disais. Ses premiers mouvements, c'est d'aller, quand tu reçois cette énergie-là, d'après moi, son premier effet, c'est d'aller créer une forme dans le plan astral pour se satisfaire. Il fait ça dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, il se rend compte qu'il ne court plus à sa force. Dans un premier temps, là, il descend une volonté. En premier, il souffre, carrément. Il n'est même pas capable de se faire un plan. C'est d'aller créer une forme pour arrêter ça. Dans un deuxième temps, il descend une volonté. Probablement ça, pour être capable au moins de créer une forme pour avoir une illusion de contrôle, ça. Mais je me suis dit ça dans un troisième temps, quand l'individu décide, que l'ajusteur de pensée donne la pensée que l'individu doit décider, que choisit, de maintenir les tours. À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? On va toujours dire, là, juste maintenir l'état énergétique de la souffrance. Pas créer de forme, rester avec. Et du déconscient. C'est ça être conscient. C'est être d'une façon permanente dans l'intelligent. C'est être d'une façon permanente en dehors de la forme. À ce moment-là, le mouvement qu'il va créer va sortir de la sphère et va aller sur le plan mental. Automatiquement. Oui, ça va être du mouvement. C'est toujours du mouvement. Mais ça, tu le choisis pas. Ah, c'est intéressant ça. Dans la vie, tu n'as pas besoin de choisir parce que quand tu es conscient, tout ce que tu fais, c'est correct. Fait que tout ce que tu fais, c'est correct. Il n'y a plus le choix. Mais là, ça dépend. C'est quand ce que tu penses que tu fais. C'est quand tu penses à ce que tu fais qu'il y a un choix. Quand tu penses plus puis tu agis, tout ce que tu fais, c'est correct. Automatiquement, plus de choix. Exemple, quand tu vas faire pipi, tu te demandes pas si c'est correct ou si c'est pas correct. Parce que c'est totalement en dehors du phénomène de la pensée. C'est quand tu tombes au niveau de la pensée que là, le choix rentre. Mais il faut que tu en arrives à dépasser le temps de la pensée pour faire tout de la même façon. Librement. Alors, librement, dans ce sens que tu n'as pas de choix à faire. Tu n'as pas à penser à rien. Tu n'as rien qu'à faire du mouvement. OK, tu n'as même pas de choix. OK. Continue le mouvement de la tombe. Tu continues. Puis tu fais toujours le mouvement selon ton niveau. Tu fais toujours le mouvement selon ton niveau de conscience parce que tu peux absorber l'énergie du mouvement selon ton niveau de conscience. Le corps suit automatiquement. Ouais, tout est. Ouais. D'accord, ici. Ce qu'elle appelle le support mental, finalement, c'est la capacité de maintenir une vibration. Le support mental, c'est la capacité de maintenir cette énergie-là dans le mental. Ouais. Parce que ce qu'on pense à faire, c'est de la compensation, finalement. On compense une énergie qu'on reçoit, qu'on s'en va apporter ailleurs pour pas que ça fasse moins mal. Quand vous compensez, vous astralisez l'énergie. Quelle chose on est capable de faire supporter sans avoir à compenser? C'est là. Mais vous, vous l'astralisez constamment. Compensez, constamment. C'est bon. Oui, c'est pas qu'on est niaiseux. C'est qu'on est niaiseux. Non, c'est pour suivre le mouvement de l'évolution. C'est pour trouver des têtes. Exactement, exactement. Mais on n'est pas niaiseux. On est ignorant. On est ignorant. Qui vient de l'ignorant? Une question de temps. Exactement. Le dangereux, c'est quelqu'un qui arrive, qui écoute ce que tu dis, qui essaie de l'appliquer d'une façon volontaire. Mais c'est pas bon, ça va créer une forme intéressante. C'est vraiment. Un être est un forme intéressante. Oui. Un être qui est parfaitement harmonisé, il peut vivre dans n'importe quel plan. Mais il faut être parfaitement harmonisé. Puis être parfaitement harmonisé, ça veut dire ne pas être assujetti à l'astral. Ne pas être assujetti à l'astral. Ne pas être assujetti à l'émotivité de l'homme. C'est vrai qu'on peut voir, là. On voit que la lumière est très harmonisante au-dessus de l'astral. L'astral a tellement une importance, à un moment donné, parce que par rapport à son étoile. Tu dis pourquoi est-ce que l'astral a de l'importance? Parce qu'on lui donne de l'importance. On lui donne. Mais par rapport à ce que je peux voir, moi, là, je ne suis pas conscient que je suis dedans ou pas dedans. Donc, vous n'êtes pas conscient d'être dedans ou pas dedans parce que vous n'êtes pas conscient d'être dedans ou pas dedans parce que vous êtes dedans. Si vous n'étiez pas dedans, vous seriez conscient de ne pas être dedans. Mais comme vous n'êtes pas conscient, vous n'êtes pas conscient d'être dedans. Il est là, c'est là l'ignorance de l'âme. Il y a un autre facteur, il n'y a pas une tendance à réduire les vitesses du mouvement à cause des problèmes psychologiques. Aussitôt que tu sers la culpabilité, tu réduis la vitesse du mouvement automatiquement. Puis on fait toujours ça. Un homme qui vit dans le mouvement, c'est ça que je dis quand tu es conscient et tu es centré. Tu ne réduis pas la vitesse du mouvement. Autrement dit, tu ne te laisses pas prendre dans ton astralité. Si tu ne te laisses pas prendre dans ton astralité, tu ne réduis pas la vitesse du mouvement. Seulement, il faut que tu aies les épaules larges en maudit. Parce qu'à ce moment-là, tout ce que tu vas faire en contact avec l'âme inconscient, tu vas créer des chocs. C'est automatique. C'est ça qui relâche. Quoi? Ce qui ralentit le mouvement, c'est le fait qu'il y a une qualité de ta conscience qui contient de l'émotivité, qui vit de la culpabilité. Si tu n'avais pas de culpabilité, comme moi, je n'ai pas de culpabilité entre vous autres. Je respecte la dimension de votre conscience. Je respecte. Respect, pour moi, vous respectez, c'est me mettre à votre niveau. C'est, quand je dis me mettre à votre niveau, là, je veux dire, me mettre au niveau de votre compréhension, me mettre au niveau de votre émotion, me mettre au niveau... Je prends elle comme exemple. Il y a bien des choses que je pourrais faire, moi, si j'étais tout seul avec lui, ou si j'étais tout seul avec Croteau, ou j'étais tout seul avec d'autres, que je peux pas faire parce que elle est là. Fait que je me mets toujours au niveau d'un dénominateur commun, qui est extrêmement sensible. Comme elle est sensible. Alors, automatiquement, je ralentis l'énergie. Sans ça, ça deviendrait une initiation. Si je me mettais sur la... Si je fonctionnais d'une façon totalement centrique, volontairement, je vous ferais tout passer une initiation. Toute la crise de gang. Vous comprenez? Parce que je prendrais rien de votre émotivité en considération. Je prendrais la table, je la crisserais par la vitre, puis je prendrais mon char, je sacrerais mon camp à la maison. Je lui dirais pas un mot. Je vous donne des exemples. Je vous fais n'importe quoi. Mais ça serait une initiation. Puis ça, je peux pas faire ça parce que j'ai fini ça. Les gens n'ont pas besoin de vivre ça. Comprenez-vous ce que je veux dire? Autrement dit, je sentirais, je ne me permettrais pas de sentir envers vous autres le moindre sentiment. Je l'éliminerais le dénominateur commun. Je ne m'occuperais pas d'elle. Je ne m'occuperais plus d'elle, la petite soeur. Ah, ce facteur-là, il est à éliminer. Ça serait une initiation. Puis il n'y en a pas un de vous autres qui vibrera pas. C'est terrible, une initiation. Parce que ça vous désengage totalement envers moi. Fait qu'au lieu de vous montrer une facette liée à une instruction, je vous montrerai une facette liée au choc de l'instruction. C'est un autre paire de manches. Tu marcherais avec l'énergie. Je m'affringue avec l'énergie. Ouais. Je m'affringue avec l'énergie, puis c'est fini. Dans notre cas, c'est la même chose. On doit tenir compte, on doit respecter quand même ces choses-là avec les autres personnes qui ont. Exactement. C'est ça que je vous disais dans l'initiative. C'est ça que je vous disais dans le séminaire. Prenez-vous pas au sérieux. C'est ça, se faire au sérieux, justement. Exactement. C'est d'oublier les émotions dans lesquelles on est en compagnie, que les autres compagnies, qu'on vit. C'est pas que tu les oublies. Tu n'en as pas. Tu sais, moi, quand je me mets dans les. Dans le cas, je veux dire, ce qui arrive, c'est que tu es obligé de prendre en considération qu'on est encore avec ce bagage-là. Oui, effectivement. Effectivement. Dans une de vos dernières cassettes, vous dites que ce n'est pas facile de vivre au-delà de ce qui est beau et grand. Ça perd un peu ce que c'est au-delà. L'homme de la sixième race, est-ce qu'il va ressentir les belles émotions de l'homme de la cinquième race? Non. L'homme de la sixième race. L'homme de la sixième race, il vibrera pas à la musique, il vibrera pas. Ah oui, il va vibrer de la musique, mais il ne vibrera pas comme il vibrait avant. Il va vibrer dans le mental. Ou juste vibrer à la strade. Ça veut dire que ça va être un autre type de musique, un autre type de complètement. Ça va être un autre type de musique, ça va être un autre type de vibration, ça va être un autre type de réaction. Complètement différent de ce qu'on a. Ouais. Conscient de ce qu'il voit. Oui. Oui, parce que dans une initiation, quand tu fais subir une initiation à l'homme, tu lui deviens automatiquement responsable de cet homme-là jusqu'à temps qu'il soit parfaitement initié. Tu n'as plus la liberté de partir. T'sais, comme moi et vous autres, j'ai la liberté de partir à un certain moment et de dire, bon, mais là, ils sont assez avancés, ils peuvent prendre un temps. Tandis que quand tu inities... Tu l'embarques dans ta vie. Tu l'embarques. Exactement. Ma femme, c'est un exemple. Les quatre personnes avec qui je vis aujourd'hui, c'est un exemple. C'est comme Gisèle, c'est un exemple. Gisèle, je ne peux pas la laisser tomber quelque part là-dedans. Je suis obligé de la supporter tout le long. Sans ça, cracra, elle deviendra folle. Là. Parce que le vide, il était créé, puis il peut être rempli par le plein. Fait que si le plein n'est pas là, elle craque. Fait que tu as une responsabilité. Ouais. T'es lié à ces gens-là. Parce que t'es lié à toi. Moi, Gisèle, je l'ai lié à moi. Ça peut Ben, l'esprit de passer en retenue, puis dans le temps, je m'entends, voir le but d'une chose ou le fait d'une chose, ouais. Puis monter quand même vers la chose. Ouais, c'est ça. Puis être capable d'être dans le but, tu sais. C'est ça. C'est une alliance. C'est une alliance. C'est une alliance. C'est une alliance. Exactement. C'est une alliance. Non. Non. C'est vibratoire. Moi, quand j'étais, elle me dit, là, je suis plus capable de rester à Montréal tout seul. Je suis plus capable. Faut que je monte dans le Nord. En fait, que je crée les conditions pour qu'elle monte dans le Nord. Parce que là, c'est sa santé émotionnelle qui tombe à l'eau. Yeah. Tu deviens lié à ces gens-là, puis ils sont liés à toi. C'est. Hein? Et d'autres gens sont liés à toi. C'est une chaîne, mais moins fort. C'est intérieur parce qu'il n'y a plus de contrat sur le plan humain. Ça devient terrible dans ton cas parce qu'il n'y avait personne, il n'y avait rien. Ben oui, mais il faut que ça commence quelque part. On va partir pour retourner, on sait qu'elle est barrée, puis les deux, parce que si on peut pas, on est marqué ou on est pas marqué, parce qu'il n'y a pas d'effort à faire. Mais en fait, à un moment donné, c'est que tu dis que dans ton corps intérieur, puis qu'est-ce qui arrive avec ça, tu sais, je veux dire, c'est bien beau la patience, mais je ne sais pas si c'est dur à vivre. C'est vibratoire, c'est pas une nouvelle psychologique, comme tu dis. C'est vibratoire. Ouais. À ce moment-là, quand tu es rendu là, il faut que tu t'organises. Tu n'as pas d'idée, tu peux pas rien faire, tu peux pas Ouais. C'est là l'affaire de la patience. Tu sais, quand je disais, vous souffrirez de patience, c'est ça. Il y a un certain moment, tu n'as pas de la patience. Parce que les éléments sont là pour te permettre de faire ce que tu veux faire, ce que tu veux. Ah, ben là, ils te font rien voir parce que ils te font rien voir parce que le travail n'est pas fini. Parce que quand tu pètes la patience, tu crées juste une marche. Ouais. Quand tu pètes la patience, là, c'est parce que tu as descendu ta volonté suffisamment pour faire ce que tu veux. C'est ça. Ce que tu veux, c'est ce que tu dois. Ce que tu dois, c'est ce que tu sais. Puis ce que tu sais, c'est ça. Mais plus tu es capable de travailler, plus les marches doivent être courtes. Ouais. Tu t'avances. Plus ça va, plus ça encore. Parce que plus le temps avance, moins tu es capable d'être patient. C'est vrai? Tu développes l'état de patience, puis l'état de patience, puis l'état de patience, puis l'état de patience, puis à un certain moment, tu l'as tellement développé que tu ne le peux plus. C'est là que tu as affronté le sein. Là, tu fais ce que tu veux faire, puis finalement, là, t'appelles. Tout fonctionne. L'intelligence, la volonté ne peuvent pas descendre tant que vous n'avez pas atteint le paroxysme de votre patience intérieure. Ça, je vous en donne une clé. Là. Le paroxysme de votre patience intérieure, c'est le stage où vous en arrivez à la grande rébellion.